L'After Job avec Francky, l'après-midi. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est quand

L'After Job avec Francky l'après-midi. C'est 16h46 minutes, heureux de vous retrouver. C'est Francky dans la radio jusqu'à 18h30. Rail de la mare, Soledad. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, avec Francky l'après-midi jusqu'à 18h30. Puis la météo qui arrive pour demain. La météo. Eh bien, demain, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Les températures sont plutôt pas mal. Des nuages sur la région, mais du soleil encore et toujours. Les températures au lever du jour, 19 degrés. Et on va monter jusqu'à 30-31 degrés. Voilà encore une bonne nouvelle, histoire de bien fêter l'été indien. Puis du son qui arrive avec Maria. Maria, c'est sur l'air en ciel. Maria, she remind me of a West got stories growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA. I said it to the sounds of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. Avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Pura, pura. c'est l'en direct avec Doula, Doula du 104ème, dès 16h53, on est heureux de vous retrouver jusqu'à 18h30, c'est Francky dans la radio. L'After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis le soleil est là, hein, jusqu'à dimanche normalement si tout va bien. 16h54, Lucenzo Don Omar en direct. Mi hogar. Ven conmigo danzar. Carita linda, labios sexys, tremendo mundo, tremendo mundo. Ella lo pinta, le encanta la fiesta, pelo largo, una niña sexy. Quiero ver el monstruo de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Para que estemos más claros, que el cloro que se quede con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Embaraza, que es una locura. Morena, trae a mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero ver ese futuro. Embaraza, que es una locura. Morena, trae a mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar. Coturo, vamos dançar, coturo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar, coturo. Oi, oi, oi. Ça, si ça vous donne pas envie de danser, à bientôt 17h en direct dans le studio. Elle vient d'arriver, Sandra. Et ouais, la présidente des Bleus Réalistes Loiret, notre invitée dans moins de 8 minutes en direct. Une arnaque qui arrive. Et ça, c'est du vrai son caliente qu'on entend bien à la radio. Heureux d'être avec vous du côté d'Orléans, Olivier, Saint-Jean-de-Bray. Bah ouais, hein, plus de 29, 30 degrés aujourd'hui. Ça fait du bien. L'été indien, 17h pile, tout poil avec Nerd Barclay et Charlie Black. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca choca ya estoy maquineando. Tú tienes la culpa de estar tan dura. Y es una psicópata cuando mueve te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atreva. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Como un body girl, I love like a carnival. Let me love the way you're wine for me. Dale baila ahora sin parar, que llegamos al carnaval. Mueve todo eso que tienes ahí. ¡Fuego! Mía, mía, popelina, popelina, popelina. She pick up the shoes and on the dance floor. And she's part of a code, a code like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a sword. She sexy, she beautiful and she pure. Then I do me a do a sword. Danza descalza con su pedicure. Tiene un sub y baja del norte al sur. Con ese choca choca ya estoy maquineando. Tú tienes la culpa de estar tan dura. Y es una psicópata cuando mueve te sopa atrás. Cinturita suelta parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atreva. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Yeah. partie animale, je vous rappelle que fumer, hein, c'est dangereux pour la santé, mais elle est là. Hein. C'est la présidente de la fédération des buralistes de Loiret qui sera notre invitée dans moins de 8 minutes. Sandra Denise Salgado. En plus, chez lire sur la carte. Hein. Marquito, vous l'adorez. Selon Caliente, 17h03 en direct sur la meilleure des radios. Vous êtes plus de 8000 à nous écouter aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Salut la famille. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, o que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser bom. De dire 17h06, joyeux Noël, mais c'est pas encore l'heure. En tout cas, on aimerait bien un beau cadeau de Noël. Ce serait que le Covid se barre vite fait, parce qu'on en a un peu ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Justement, on vous parle de Noël parce que mon poteau qui a repris Last Christmas, version Rodrigo Hayes, écoutez, on adore. Et puis Sandra qui arrive dans les bureaux, ouais, dans les bureaux, allez, dans moins de 3 minutes. Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Para el mundo, ondas positivas. J'adore ce mec, on va essayer de l'appeler après à 18h, Rodrigo S, mon pote de Paris qui a repris à merveille Last Christmas, qu'on adore sur Radar Francienne, hein, vous l'écoutez d'ailleurs régulièrement, et ça nous fait plaisir de vous retrouver, et puis ça nous fait plaisir d'accueillir Sandra, notre invité, c'est parti, en direct, on est, il est quelle heure là, 17h10, c'est parti la famille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. J'ai tellement de boutons. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais des boutons aussi sur la tête. Hein. Mais là, c'est à la radio, j'en ai plein sous les yeux. Et c'est vrai que souvent, on me dit, mais comment tu fais pour appuyer sur tous les boutons en même temps? Je sais pas. En tout cas, on l'accueille dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. 17h10, on est en direct. C'est Sandra. Sandra, bonjour Sandra, cherche la carte. Voilà. Sandra Diliz, qui est la présidente de la Fédération des Buralistes du Loiret. Comment il va bien? Eh ben, il va bien, Sandra. Bon, ça va en forme. T'inquiète, bien sûr, toujours. Ouais. Alors, on vous rappelle quand même que fumer, c'est dangereux pour la santé, hein. Ça peut tuer. Bah, il faut être honnête, hein. Ça peut, Sandra. Hein. Bien sûr, oui. Ouais. Tout à fait. Alors, Sandra, présidente de la Fédération des Buralistes du Loiret, pour toi, bah, tu sais ce que c'est, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, peut-être que ça leur parle pas beaucoup. C'est quoi ton rôle aujourd'hui, alors? Alors, déjà, je vais peut-être parler du rôle des buralistes. Voilà. Hein, avant de parler celui de la présidente. Ouais. Parce que je suis avant tout buraliste avant d'être présidente. À la base, voilà. Ouais. Donc, je suis buraliste depuis 11 ans. Donc, ouais. C'est un métier que j'ai découvert par reconversion professionnelle. Mmh. Et c'est un métier passionnant. C'est un métier très diversifié. On y trouve beaucoup de choses chez le buraliste. Ouais. Bah, plein de choses, hein, des bouquins. Hein, exactement. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier que le buraliste, à la base, il est quand même préposé de l'administration. Mmh. Donc, on fait plein de services. Il y a plein de services chez le buraliste. Le buraliste ne vend pas que du tabac. Mmh. Il fait aussi presse, puisqu'on a des tabacs presse. Et on a aussi des bars tabac. Ah ouais, ouais. Bar, tabac, brasserie. Donc, il y a également ces activités annexes. Et puis, j'ai vu une petite nouveauté, là, avec les impôts. Maintenant, on peut payer, je crois. Tout à fait. Ouais. Via la DGFiP, tous des impôts en numéraire, ouais, sont payables chez le buraliste, bien évidemment. Donc, tout ce qui est crèche, cantine, les amendes. Ah ouais, les amendes, voilà, surtout. Ouais. Les timbres fiscaux, les timbres amendes, bien évidemment. Ouais. Timbres fiscaux, tout ce qui est services postaux aussi, puisqu'on a des relais postes. Donc, l'achat de timbres, on fait énormément de choses. Et pourquoi on est venu là, justement? Parce qu'avant, on pouvait payer en ligne ou alors aller carrément acheter des timbres. Alors maintenant, on peut venir chez vous. Pourquoi? Se diversifier. Alors, on Y a une belle activité ou alors c'est que... Non. On peut payer en ligne, bien évidemment. Ouais. Mais les gens, aujourd'hui, ont aussi besoin de contact. Nous sommes un métier de contact, un métier de proximité, commerce de proximité. Ben, c'est vrai que quand on vend aux impôts, le contact n'est pas terrible. Non, mais sérieux, il faut être... Non, mais moi, je suis honnête. Hein, j'y étais plein de fois. Ah, il n'y a pas qu'aux impôts, à la poste aussi. Ouais, c'est les retours que nous avons. Hein. On a l'avantage, nous, d'avoir des amplitudes horaires assez intéressantes. Et on vous dit, vous êtes plus sympa qu'aux impôts. Hein. Tout à fait, exactement. Bonjour mes amis, ils ne vont pas me louper les impôts, ils vont éplucher mon dossier quand j'y rentrerai. Donc ça, après, nous, c'est pas de notre ressort. Hein. Mmh. Nous, on est mandatés, donc on fait ce qu'on voilà. On se bat, hein, pour en tout cas préserver cette profession. Ouais. Puisque, notamment dans les milieux ruraux, nous sommes le seul commerce qui résiste. Donc c'est-à-dire que le seul commerce qui reste dans la ruralité, c'est le buraliste, celui qui vend le tabac, mmh, celui qui vend le petit café, celui qui vend la baguette de pain, celui qui fait épicerie. Parce qu'effectivement, oui, la profession, elle tend à se diversifier. Et dans cette diversification, on a bénéficié d'un plan de transformation. Mmh. Donc on est effectivement le seul commerce aussi à être épaulé par l'État pour pouvoir justement développer tous ces nouveaux produits et tous ces nouveaux services. Mais je crois que vous faites aussi les points relais, on m'a dit. Les relais colis, tout à fait. Ouais. La Redoute, ça existe encore, ça, c'est, les colis. Bah, alors peut-être pas, mais enfin bon, tous les colis comme Amazon ou autre, ça, effectivement, on fait point relais. C'est bien ça. En tout cas, un sacré job alors. Oui, un sacré job, parce que très diversifié, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette profession, c'est que c'est pas une profession routinière. Ça évolue. Tout à fait. Et nous, on est là pour ça. Donc, les élus de la profession, donc véhiculés par par notre président national, Philippe Coy. Et moi, je représente. Je suis effectivement la présidente du département. Donc, moi, je gère le département en collaboration, bien évidemment, avec avec la Confédération nationale. Ouais. Et dans le département, ça représente combien de buralistes? Alors, il y a à peu près 275 buralistes. Aujourd'hui, donc il y a un maillage intéressant. Donc c'est un maillage qui est effectué avec les services des douanes et les communes, bien évidemment. Bien sûr, heureusement, Voilà. Donc bon, la profession ne se porte pas trop mal malgré tout, et notamment depuis le Covid, puisque nous avons été reconnus d'utilité publique. Donc nous avons pu ouvrir, nous avons fait partie de ces commerces autorisés à ouvrir. De la chance, oui et non. Après, il faut faire les bons choix, Francky. C'est ça, Les bons choix de professionnels, Il ne faut pas se bourrer de bronche en ce moment. C'est ça, tout à fait. C'est ça. En tout cas, un beau métier qu'on apprécie. Et il y en a de plus en plus, ou alors ça commence à disparaître un peu les bars tabac? Non, il y en a de moins en moins, des buralistes. Bon, ils ont plutôt tendance à fermer, comme malheureusement beaucoup de commerces. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il y a effectivement les politiques anti-tabac. Donc certains collègues, bien évidemment, le marché ne se porte pas aussi bien qu'avant. Et nous avons aussi un gros concurrent, bien évidemment, le marché parallèle. La contrefaçon, on va dire. Exactement. Ouais, c'est interdit, on le rappelle. Le marché parallèle, la contrefaçon. C'est puni par la loi, je vous le rappelle. Oui, alors il y a deux choses. Il y a effectivement la contrefaçon, mais qui n'est pas du tout bien, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les produits. Mais il y a aussi les ventes qui sont faites à l'étranger. Et je tiens à rappeler qu'il a été négocié très... très dernièrement, l'achat transfrontalier de cigarettes, donc, a été limité à une cartouche. Ah ouais, ça a changé. Auparavant, maintenant, c'est une cartouche. Au-delà d'une cartouche par personne, majeure de 18 ans, je tiens à le rappeler également. Bien sûr. Maintenant, effectivement, c'est amendable. Et, et pourquoi une cartouche? Il y a quoi? Il y a des abus? Ou alors, non? Bien, effectivement, puisqu'il y a le but de cette fiscalité tabac. C'est d'abaisser le nombre de fumeurs. Le nombre de fumeurs ne baisse pas. Les fumeurs vont chercher le tabac à l'extérieur, à l'étranger. Donc ça fait effectivement des gens qui continuent à fumer, donc un problème de santé publique. Et également après un problème économique, puisque c'est de la fiscalité qui part, et c'est également bien évidemment aussi des emplois qui vont partir. Exactement, puisque quand on n'achète pas chez le buraliste, forcément les buralistes tend à fermer, tout à fait. Alors, tu dis des fumeurs toujours et encore de plus en plus, malgré l'augmentation des paquets. Les gens ne veulent pas s'arrêter. C'est dingue, ça, quand même. Alors que c'est dangereux pour la santé, quand même. Les gens ne veulent pas s'arrêter. Alors, pourquoi? Parce qu'on va payer 10 balles, ou je sais pas combien c'est, un paquet de clopes. Moi, c'est combien un paquet de clopes aujourd'hui? Aujourd'hui, un paquet, alors je vais pas citer de marque, mais en moyenne, c'est 9,50 €. Ça varie de 9,40 € à 10 €. Quand même, c'est un sacré budget. Pour la fin de l'année, le paquet doit passer à 10 € pour la majorité des marques, pour toutes les marques d'ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est un budget. Après, la cigarette, pourquoi les gens fument? C'est une question qui faut. Le stress. Le stress peut-être, mais je pense que c'est surtout que les gens commencent à fumer tôt. Donc je pense que c'est aussi un problème éducatif. Ouais. C'est un problème éducatif, je pense. Ah, tu penses qu'à l'école déjà peut-être on pourra en parler? Exactement. Ouais. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder très tôt. Effectivement, oui. Dès le plus jeune âge, tout à fait. Oui. Voilà une bonne idée en tout cas. On soumet, nous, on a des bonnes idées à la radio. On va parler du Covid justement, en mode Covid, pendant le confinement. Ça a été dur pour les tabacs, ou alors ça s'est passé comment? Alors les tabacs, nous, on nous a demandé, donc nous, on a eu la possibilité d'ouvrir pour apporter tous les services, puisque les postes étant fermés, donc nous, on a beaucoup travaillé. C'est rigolo, que l'État vous demande d'ouvrir, parce que le tabac, c'est un peu l'État aussi. Il y a une fiscalité, bien évidemment, relativement importante pour l'État. Ça les arrange un peu, non? Environ 80% de taxes sur un paquet de cigarettes. 80%, c'est énorme. Je comprends pourquoi vous étiez ouvert, là. Alors oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement. Effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les services que nous avons apportés, puisque pour ne serait-ce que pour la poste, pour la presse également. Hein, les gens ont droit à l'information. Les gens, effectivement, ont droit aussi d'envoyer le courrier et continuer à vivre. Donc on propose aussi tous ces services. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, la marge de la vente de cigarettes, elle s'est quand même réduite. Hein. Moi, je prends par exemple mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux. Dans mon établissement, il y a 5 ans, quand j'ai acheté l'établissement à Fleury-les-Aubrais, eh bien, le chiffre tabac représentait plus de 60%, 65% de mon chiffre d'affaires global. Aujourd'hui, il est autour de 40%. Ah, il a baissé. Il a baissé. Mais le complément, En termes de chiffre d'affaires et le complément, bien évidemment. Bah, c'est tout ce qui est à côté. C'est axé sur d'autres produits, donc c'est-à-dire la vente de boissons à emporter. Ah, il y a des boissons maintenant dans le tabac. Tout à fait, des boissons à emporter. Ils sont La vente de produits locaux, hein, beaucoup font aussi de vente de produits locaux, bien sûr. C'est tout en fait. Et puis c'est une épicerie maintenant le tabac quasiment. Oui, on devient des drugstores en fait. Hein. Notre président national appelle ça des drugstores. Moi, je sais pas Macron. Je parle pas de Macron, je parle de Philippe. Non, je parle de moi. Macron, il est dedans aussi, il est avec vous. Il est avec nous, de toute façon. Voilà. C'est votre pote, ça. Nous sommes des préposés. Voilà, quand on signe un contrat de gérance, nous sommes des préposés. Donc effectivement, on se doit aussi de jouer le jeu et d'être présent pour accompagner nos clients et les citoyens. Et tout ce qui est à côté, ça s'appelle la librairie, non, j'appelle ça comment, ça s'appelle comme ça les bouquins, la presse, ça rapporte beaucoup ça dans un tabac, on en voit, parce que quand on va dans un tabac on en voit partout, il y a de tout. Et est-ce que ça fonctionne bien, la presse? Combien de pourcentage sur le chiffre d'affaires par exemple en moyenne? Alors la presse, en toute franchise, c'est une activité qui est vraiment en perte de vitesse et en grande perte de vitesse. Avec internet peut-être? Non. Bah oui, bien sûr, internet, hein, donc tout ce qui est digitalisé, bien évidemment, ça a un peu le vent en poupe. Donc bien évidemment, nous, la presse écrite, c'est vraiment en perte de vitesse. Hein, donc, carrément. Carrément, oui. Il y a d'autres alternatives, hein, et c'est pour ça qu'on essaie de se diversifier pour pallier à tous ces Tout le monde essaie de se diversifier, pardon. Il y a beaucoup de commerces, hein, que ce soit des restos ou des bars, maintenant ils essayent de tous d'amener un petit plus pour bosser, et surtout en ce moment avec le retour à la normale entre guillemets, on essaie de travailler et c'est pas facile, donc tout le monde fait de la vente emportée, fait des choses comme ça, et vous pareil, hein, on essaye de... Donc nous aujourd'hui on a la chance d'avoir effectivement le monopole du tabac, de la vente du tabac, mais évidemment pour les autres produits, on serait quand même tenté de dire que bien c'est la libre concurrence, hein, la concurrence ça n'a pas que du mauvais, bien sûr. La concurrence ça permet aussi de se remettre en question, ça permet aussi de pouvoir créer davantage, et aujourd'hui c'est la différence entre le buraliste d'avant et le buraliste moderne, c'est que le buraliste avant c'était un débitant de tabac, qu'aujourd'hui c'est un commerçant à part entière. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Tout à fait. C'est clair, un débutant. Et comment on fait aujourd'hui? Bah, tiens, on m'a posé une question. Si on veut ouvrir un tabac aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Alors aujourd'hui. Admettons, moi, on est à Fleury, là, demain, j'ai envie d'ouvrir un bureau de tabac à Fleury-les-Aubrais. Ça se passe comment? Je trouve un local, je mets une enseigne tabac et j'ouvre? Non, ça se passe pas comme ça. Ce serait beaucoup trop simple. Donc aujourd'hui, lorsque on veut l'activité, lorsqu'on souhaite pratiquer l'activité tabac ou acheter un fonds de commerce tabac, eh bien, on achète bien souvent des biens qui sont déjà en vente, un tabac qui est déjà existant. Ah ouais, d'accord. Donc on peut pas faire une création. Là. Alors on peut faire une création, mais ce sera bien évidemment, donc il y a une demande à faire auprès du service des douanes. Ouais. Oui. Auprès de la commune et auprès de la Confédération des buralistes. Donc, si c'est dans le département, je me dois aussi, moi, d'apporter un petit peu mon œil. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a, il y a un maillage à respecter. Donc, on peut pas ouvrir de bureau de tabac. Donc, c'est limité. Un bureau de tabac, on va dire qu'il y a un maillage sur 2500 habitants, à peu près. D'accord. Donc, sur 5000 habitants, on peut prétendre à deux bureaux de tabac. Donc, aujourd'hui, les bureaux de tabac tendent à fermer, hein, bien évidemment. Mais lorsqu'il y a des reprises, on fait des reprises. Nous avons un service des douanes, nous, dans le département, qui est très collaboratif, hein, très tolérant, et donc le but c'est bien évidemment de continuer les activités, l'activité tabac, et c'est pas du tout de fermer des bureaux de tabac. Mais quand il reste trop longtemps fermé, qu'il n'y a pas de repreneur, bien évidemment, comme la plupart des commerces, ça tombe en liquidation et on rachète. Et après, voilà. Donc un bureau de tabac, ça se rachète, ça se reprend, ce sont des cessions. Donc après, il suffit pas de vouloir un bureau de tabac. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut s'y connaître un peu, non. C'est pas le fait de s'y connaître, c'est qu'effectivement, oui, il faut faut s'y connaître. Il y a des formations obligatoires. Si vous voulez un bureau de tabac, oui, bon, et ben il faut qu'il y a des formations obligatoires. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Et il y a un profil, donc bien évidemment, il faut avoir un casier vierge, tout à fait. Bon, faut être bandit, quoi. Voilà, donc et puis il faut effectivement aussi l'accord des douanes, puisqu'il y a un contrat qui se fait avec les douanes. C'est tout à fait. Tout à fait. Donc et puis il faut aussi avoir un peu d'apport. Voilà. Un peu d'apport. Oui, parce que les banques jouent pas toujours le jeu. Donc, ah ouais, bon, c'est rare qu'elles jouent le jeu. Ça dit, c'est très rare. Bon, il y en a certaines encore. Il y en a certaines qui jouent le jeu, mais bon, c'est pas la majorité. Il y en a quelques-unes encore. Oui. En tout cas, on en sait plus aujourd'hui sur ce métier de buraliste, Sandra. Alors, multicasquette, Sandra. C'est ça. On va parler du. Demain, on aura la vice-présidente du génie. Oui. Toi, tu fais partie du génie aussi. Voilà. T'en donc, fais des choses, Yon. Oui, bien sûr. Je suis relativement active et dynamique. C'est quoi le génie? Alors, on en parlera demain avec Sonia, qui est notre invitée aussi, du génie. Bien sûr. Ouais. Alors, le génie, c'est. GNI, pas génie comme un génie. Oui, hein. Le GNI, voilà, j'ai dit vite. Voilà, là. GNI. Oui, c'est le groupement national d'interprofessionnels de tout ce qui est CHR, des métiers du CHR. Donc, le GNI, effectivement, c'est une activité. Alors, je me suis intéressée, effectivement, au GNI au moment du Covid. Bon, je me suis toujours intéressée. T'étais chez toi, comme tout le monde, on se faisait chier, puis oui. Tu te dis, pas du tout, parce que moi je travaillais, je faisais partie de cette profession. Oui, je travaillais. Donc moi je travaillais, je vendais des timbres aussi, pas que des clubs. Alors les timbres, j'ai un coup de gueule à pousser. Alors là, c'est vrai, avant de reparler du génie, une fois je vais dans un bureau de tabac, je vais pas le citer, et je dis, je voudrais un timbre. Et la fille, elle me dit, non, on vend que des carnets. Ça c'est illégal. Alors c'est au choix des buralistes, mais c'est pas très commerçant. J'envoie une lettre tous les 3 semaines à peu près. Et là je me fais un timbre et j'allais pas faire la queue à la poste. Alors, et je vais au bureau de tabac, elle me dit non, nous on fait que des carnets de timbres. Non mais rigole quoi. Non mais ça, alors voilà, après ça c'est au choix de chacun. Moi je vais être honnête, normalement oui effectivement il y a des collègues qui vendent à l'unité, il y en a qui vendent par 4, il y en a qui vendent des demi-carnets ou des carnets complets. Donc c'est pas très fair-play, mais bon ça après c'est la casquette de commerçant. Après voilà. Je vais être honnête, elle a perdu un client parce que moi ça m'a un peu vexé. Je suis parti, j'étais vénère. J'espère que tu as trouvé un bureau tabac qui t'a vendu un timbre à l'unité. Non, j'étais à la poste, j'ai un truc tout près là. J'étais à la machine automatique et j'ai pris une lettre automatique, tac tac tac, et en 2 secondes c'était fait. La prochaine fois tu viendras chercher tes timbres chez Sandra. Je vais venir chez toi, mais tu vois, elle a perdu un client parce que moi je voulais acheter 2-3 conneries, du coup elle m'a perdu. Ça reste casquette de commerçant lambda, hein, comme n'importe quel commerçant. Ouais. Donc ça après effectivement. C'était la parenthèse du timbre. Oui. On parle du GNI, alors rapidement. Donc, pendant le Covid, tu t'es dit, tiens, je vais intégrer le GNI. Alors, non. GNI, c'est ce qui regroupe les bars, restaurants. Les métiers du CHR, l'hôtellerie, café, restaurant. Donc, c'est ce qu'on appelle, moi, des activités cousines. Dans la profession, donc la presse, les bars, ce sont des activités annexes au tabac. Bien sûr. Donc ce sont des activités auxquelles je m'intéresse également, puisqu'en tant que présidente, je me dois de défendre et d'accompagner mes collègues sur le tabac, mais pas seulement, sur la Française des Jeux, le PMU, le bar, la presse, toutes les activités qu'on pratique. Bien sûr. Et bien évidemment, lorsqu'un collègue est en difficulté, et notamment pendant le Covid, les collègues qui avaient des bars et qui ont des bars et des restaurants, ce sont ceux qui ont été bien évidemment plus en souffrance et ce sont ceux qu'il a fallu accompagner. Donc sur différents domaines, sur les aides, problèmes financiers, etc. Et problèmes psychologiques aussi, puisque Nous c'est notre rôle, c'est le rôle de la chambre syndicale, puisque enfin de la fédération, puisqu'avant c'était une chambre syndicale, aujourd'hui on appelle ça une fédération, puisque c'est plutôt une organisation professionnelle qu'un syndicat pur. Je ne suis pas toute seule, j'ai 9 personnes qui collabore, qui travaille avec moi dans le bureau. Ça fait du monde. Le maillage. Oui, mais il y a le maillage de tout le département. Donc on a des collègues qui sont délégués sur le secteur de Montargis, Pithiviers, Gien, Orléans, etc. Donc moi je peux pas tout faire tout seul. C'est sûr. La présidente, elle peut pas tout faire toute seule. Donc voilà, on a besoin de collaborateurs. Nous aussi, c'est comme à la radio, la présidente, elle peut pas faire toute seule. Voilà. On la salue, Christine, qui nous écoute certainement aujourd'hui d'ailleurs. Salut, Titine. Donc la petite parenthèse, la deuxième. Ouais, comme ça vite fait. Je la salue aussi. Ouais, ça va, faut que tu l'envoies. Voilà, tout à fait. Je ne travaille pas toute seule et d'ailleurs je remercie les collaborateurs puisque sans eux je pourrais pas faire tout le travail que je fais et on aurait une chambre syndicale, on aurait une fédération pas aussi dynamique. Donc je ne travaille pas seule, bien évidemment. Mais la présidente, elle est là pour chapeauter justement tout ce qui est gros problème. Et donc tout le monde a joué le jeu puisque on était un petit peu sur le pied de guerre et voilà, et qu'on a accompagné les collègues. Et je me suis rendu compte qu'effectivement cette profession bar restaurant eh bien elle était en difficulté. Donc je me suis rapprochée à l'époque de l'UMI. C'est le syndicat des discothèques, des bars, des restaurants, hôtels. Voilà, exactement. Voilà. Le plus connu en France, hein, le GNI, c'est le deuxième. Hein. Et donc avec la vice-présidente Sonia que tu reçois demain. Demain, voilà. La vice-présidente du GNI. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, je vais baisser un peu les micros parce qu'il y a une grande gueule. Hein. Voilà. Non, mais... oui, mais enfin, elle est très active aussi. Ouais, donc, elle est très dynamique. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, toutes les deux, c'est vrai qu'on a fait un gros travail de collaboration justement pour pouvoir avancer dans le département. Donc et je me suis rapprochée puis je me suis rendu compte qu'effectivement tous ces cousins, ben c'est important qu'on travaille ensemble et qu'on travaille conjointement main dans la main et main dans la main, tout à fait, puisque on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes problèmes, voilà, c'est ça. Et je pense que qu'il était important effectivement qu'on crée une structure, ouais, pour ça, plus dynamique, pour apporter des idées chacun, exactement, des idées pour créer, ouais. Et voilà, et avec des gens dynamiques, hein, c'est pas le but, ouais, faut voir le mec qui est de tension, quoi, voilà, c'est pas le but, ouais, d'embêter qui que ce soit, mais c'est le but d'avancer. C'est le but d'avancer et de préserver nos commerces. Voilà, voilà. Et ça c'est important pour la France. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a présidente de la République. On a créé. Ah ben non, je crois pas, non. Qu'il vient, Monsieur Macron, parce qu'on a un problème avec lui en ce moment. Ouais, c'est clair, c'est un peu compliqué. Ouais, Sandra présidente. Voilà, non, mais c'est vrai qu'il faut. On a besoin aujourd'hui de dynamisme avec tout ce qui se passe sur le Covid. Effectivement, il faut trouver des idées, des solutions. Des alternatives aussi. Tout à fait. Donc on essaye de se battre pour ça. C'est pas toujours évident. Maintenant, on n'obtient pas toujours gain de cause, mais en tout cas, on essaye de faire des choses. Et bon, et donc voilà, donc là on a constitué effectivement ce GNI, hein, c'est tout récent, et donc nous avons donc à la tête du GNI Samira. Hein, Samy, on salue. Bah, il faut qu'elle vienne à la radio, il faut que je l'invite aussi. De l'hôtel, voilà, tout le monde, l'hôtellerie. Bah, je crois que je vais faire une table ronde, on sera tous là. Voilà, tout à fait, ce serait bien. Ouais, je vais faire ça à la rentrée, là, c'est octobre, parce que là j'ai plus de place. Donc au bureau nous avons également Freddy. Ah, Freddy, ouais, on le connaît bien. Salut mon Freddy. On a Sonia. Il vient à la radio aussi, Sonia. Bah, ils viennent tous, hein. J'invite tous. Bah, c'est très bien, super. Et toi, quand est-ce que tu t'invites? Parce que toi aussi, tu fais partie de ce GNI. Je fais partie du GNI, mais je vais m'inviter tout seul, en fait, hein. Pour défendre, bien évidemment, cette profession de discothèque, hein, puisque tu es aussi un cousin. Alors moi, j'ai la meilleure, hein. Oui, t'as le meilleur morceau, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais en tout cas, on est là et on va essayer de se battre et on sera là le 30 septembre pour t'accompagner. Ouais, le 30 septembre, on rappelle que, voilà, ceux qui veulent venir, on sera à la préfecture. Devant la préfecture, on va manifester et on a prévu normalement un rendez-vous avec monsieur le préfet, si tout va bien. Voilà, en tout cas, nous serons là pour le GNI Centre-Val de Loire, puisqu'on ne sera pas que dans le département. Hein. On va démarrer par le département, mais voilà, donc on va mailler toute la région Centre-Val de Loire. Ça va être un bon rendez-vous. Voilà. Mais en tout cas, on en sait plus aujourd'hui sur les buralistes, sur la présidente des buralistes du Loiret, Sandra. Oui. On a appris pas mal de choses, les auditeurs, mais il y a ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas. Bah voilà, en tout cas. Un dernier mot peut-être à rajouter, Sandra, sur ce bel interview de 30 minutes, quand même. Hein. Alors, je vais dire un truc, c'est exceptionnel les interviews de 30 minutes. Hein. C'est vrai ? Ah, c'est très rare. En général, c'est 15 minutes. Oui, mais c'est un métier très diversifié. Il y a plein de choses à dire. Donc, voilà, et puis il y en a encore beaucoup, mais bon, on va y passer la nuit. Donc, c'est pas sinon, la peine. On est jusqu'à minuit, et puis en plus, moi, je suis passionnée, j'adore ce que je fais, voilà. J'adore cette profession. Et continue. J'adore ce contact et j'aime ce que je fais. On peut te retrouver où si on veut te contacter? Tiens, un des buralistes qui nous écoute, il dit bah tiens, moi je l'ai pas encore vu ou je la connais pas peu, peut-être ça arrive, non, des buralistes qui connaissent pas ou peu. Bah, les buralistes ne me connaissent pas forcément physiquement, mais ils reçoivent nos mails. ils vont sur les sites de la Confédération des buralistes. Il y a mes coordonnées, hein, présidente du Loiret. Et sans ça, eh bien évidemment, on peut me retrouver donc au tabac des Andrions, à Fleury-les-Aubrais. J'allais dire, on peut te retrouver au bar du coin. ça m'arrive aussi, puisque moi, je visite mes collègues. Hein, je suis une présidente de terrain. Je ne peux pas parler d'une profession si je ne suis pas sur le terrain. Comment défendre une profession lorsqu'on n'est pas sur le terrain? C'est pas possible. Et comme la présidente de la radio, t'es sur le terrain. Elle aussi, des fois, elle passe comme ça en cachette. Ouais. Voilà, tout à fait. Elle arrive comme ça, elle nous fait peur. Ah, mais moi, je passe pas en cachette. Hein. Moi, j'arrive, je me présente, et je discute avec mes collègues. On fait beaucoup de choses et on a mis à disposition beaucoup de choses pour les collègues et je suis là pour eux et je suis là pour, bien évidemment, mes clients aussi. Et ben voilà, sur ce dernier mot, on va se quitter, Sandra Dini. Merci beaucoup. Merci, présidente de la Fédération des buralistes du Loiret. Merci à toi.

Alicia Keys, No One, non, personne, personne. 17h40, tout à l'heure à 18h10, on va parler de course. Ouais, deuxième profit SSV de l'Orléanais. Ça va se passer à Sougy. L'organisateur sera dans les sous de la radio, c'est Elder. Vous allez voir, on va parler de bagnole, ça fait du bien un petit peu de vous retrouver. Demain, les températures sont plutôt pas mal. Hein. 19 degrés, on va dépasser les 30-31 degrés. Du soleil, des nuages, c'est mitigé. Mais bon, on va pouvoir bronzer jusqu'à fin septembre, normalement, si tout va bien. Et puis, je vous rappelle que ce week-end, c'est non-stop music hein, sur la console Latina Palace. Voici Amir. Eh ouais, l'Eurovision, c'était il y a 5-6 ans. Il est arrivé 7e avec J'ai cherché sur la radio. Mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 17h47 minutes, nos invités qui arrivent dans 15 minutes à l'antenne, et puis forcément le tube de l'été, puis le tube de la rentrée aussi, il cartonne, hein, numéro 1 partout sur toutes les radios. C'est Master KG avec Jérusalem, et là c'est le petit remix de la radio. Oh,

descansar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Se tu sentires esta paixão tão verdadeira, vais querer ficar, ficar comigo a vida inteira. A subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor. Deuxième invité qui arrive, il s'appelle Elder, il est dans les studios de la radio. On est bien au chaud, 18h18. Salut la famille! Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah ouais, après avoir reçu Sandra, eh bien, il est notre invité, Elder, dans les studios de la radio. Le 26 et 27 septembre aura lieu à Sougy la deuxième trophée SSV de l'or l'année, si je me trompe pas. Bonjour Elder. Salut. Ça va, je me trompe pas sur le terme, c'était ça? C'est ça, c'est alors, deuxième course, deuxième trophée SSV de l'or l'année, c'est à Sougy. Sougy, c'est où, Elder? Bah, Sougy, c'est au nord d'Orléans. Ouais. Donc, pas trop loin. Ah non, c'est pas trop loin. Ça va. Alors, explique-nous un petit peu. Toi, tu es organisateur parce qu'avant, tu courais. Et là, je cours encore, tu mais. Tu cours encore moins. Ouais. T'as laissé tomber la course? Non, non, mais on peut faire les deux. On peut faire les deux, c'est vrai, exactement, on peut cumuler les deux. Explique-nous un petit peu ce que c'est que cette course, le 26 et 27 septembre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nord d'Orléans, on a un circuit tout-terrain. On organise pas mal de choses, comme le 2 chevaux cross ou d'autres courses. Et le 26-27, on organise un trophée SSV. Donc, les SSV, c'est des véhicules qui sont entre le buggy et le quad, on va dire, pour simplifier. Ouais, c'est des sacrées machines. Et donc ça commence le samedi dès le matin pour les vérifications techniques. Mm-hmm. Donc c'est une entrée libre gratuite. C'est gratos. Ouais, pour les spectateurs. Ouais. Et vous pouvez aller voir dans les paddocks les stands, aller parler avec les pour les mécanos, les pilotes. Exactement, ouais, voir comment ça se passe un peu de l'intérieur. Au cœur de l'action. C'est ça. Et après, les courses commencent dès l'après-midi, après-midi. C'est sur deux jours, hein. Exactement. En fait, c'est des manches. Il y a deux séries de véhicules, donc on va séparer les véhicules en deux groupes. Et après, ils vont s'affronter dans des courses d'une vingtaine de minutes. Donc durant 5 manches. Deux types de véhicules, trois types, il y a combien de types de véhicules? Non, en fait, on garde que les SSV, mais par contre, comme on peut pas tous les mettre en même temps sur le circuit, okay. on va les séparer en deux séries. Voilà. D'accord, ok. En mode Covid, est-ce que c'est facile aujourd'hui? Comment ça se passe justement le protocole sanitaire? Il est en alors, place. Alors oui, ouais, bien sûr, c'est obligatoire. De toute façon, pour avoir l'autorisation de la préfecture, il faut être irréprochable. Il y a un pilote, un copilote? Non. Là, c'est pendant 20 minutes, tous les pilotes sont seuls dans leur véhicule et donc se battent pour la première place. D'accord. Donc au bout de chaque course, on va dire chaque manche, ils vont marquer certains points. Mmh. Et après, on va prendre les meilleurs pour faire la finale. C'est sur un timing, non? C'est sur un temps ou alors? Ouais, c'est 20 minutes. C'est une technique de course. Donc c'est sur 20 minutes, donc le premier qui franchit la ligne au bout de 20 minutes, il a plus de points. Ouais. Ah, d'accord, sympa. Ouais. Donc le protocole mode Covid, c'est quoi? Alors le masque est obligatoire. Pour les gens qui vont venir le 26-27. Ouais. C'est ça, donc sur place le masque est obligatoire. Mmh. Après on a aussi, on prendra le nom et le numéro de téléphone. Ah ouais, des personnes, au cas où. C'est obligatoire en cas de problème pour pouvoir les recontacter. Ah ouais, d'accord. Donc ça déjà il faut pas avoir de soucis si vous allez prendre la température. Alors aujourd'hui c'est pas imposé, les règles évoluent et après c'est la distanciation et sur place on a une buvette et aussi on a un moyen de restauration, donc tout est fait pour respecter les distanciations et pour respecter les règles. De toute façon, vous pouvez venir, vous serez en sécurité. Il y a aucun problème. Il y a de la place, quoi. On peut respecter les distanciations. Le parc est gigantesque. Donc, par exemple, ce week-end, on a eu 180 pilotes. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, 180 pilotes, 180 voitures avec toutes les assistances. C'est bien tout ça. Hein. Voilà. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que pour les spectateurs, tout le monde peut se mettre autour du circuit. Donc, c'est vraiment fait pour pouvoir voir à différents points. On a le droit. On a le droit. Avec, il y a des règles à respecter de mettre un mètre. Vous verrez. Ou c'est fermé, vous n'avez pas le droit. Ah, après, okay. On a aussi des expositions de véhicules. Il y a aussi des animations un peu annexes. Vous verrez pendant le week-end. Donc, il y a sûrement un petit circuit à respecter, c'est ça un peu, pour les règles sanitaires, non? On peut se mettre tout autour, mais par contre, il faut respecter les distanciations. Ça, c'est le plus important. Ouais. Garder le masque. Mmh. Et après, vous avez le droit d'aller un peu partout. D'accord. Sauf où c'est fermé, bien sûr. Ouais. En tout cas, ça va être une belle course, alors, le 26. C'est une super course. Donc, on dit pourquoi c'est le deuxième SSV Trophy. Parce que l'année dernière, on en a fait un. Donc, on a fait la première édition. Donc c'est différent avec cette année, malheureusement. Ou ça sera. Alors, c'est pareil. Non, c'est pareil mais par rapport au Covid. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut respecter les règles. Mais sinon, le spectacle sera toujours aussi beau. Mmh. Et, moi, je vous invite vraiment à venir. Ouais. Parce que c'est très très spectaculaire. C'est des grosses machines à fond. Ça monte à combien ça? C'est combien de chevaux? Alors ça fait à peu près 200 chevaux. Mais ce qui est impressionnant, c'est que comme on est sur Terre, il y a de la glisse partout. En fait, c'est vraiment du spectacle. C'est un gros spectacle. Ouais, ouais, c'est vraiment plaisant. Tous ceux qui viennent, on adore. Et une autre nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a voulu mettre l'entrée gratuite. Ça, c'est bien. Pour pouvoir permettre à tout le monde de découvrir le SSV, de découvrir aussi ce super beau circuit. Ouais. Voilà. Donc, ça va être sympa. Le 26 et 27, c'est à Sougy. C'était d'Orléans. C'est dans le nord d'Orléans. Exactement. C'est pas loin d'Artenay. Pas loin de Saran, pas loin d'Artenay. On n'est pas loin alors. Ah non, d'Orléans, on doit avoir une 20-25 minutes. Et c'est totalement gratuit. Et c'est totalement gratuit et on vous attend nombreux. Nombreux et nombreuses. Et nombreuses, bien sûr. Ça va être sympa. En famille, on peut venir en famille avec les enfants. C'est même conseillé de venir en famille. Voir les pilotes, les mécanos. Et même si, par exemple, vous avez un doute pour la restauration, il y a tout ce qu'il faut sur place. Donc, vous pouvez vous hydrater et même manger. Ouais, ça va être sympa. Avec les règles qui vont bien sûr. Exactement. En mode Covid, comme on dit, c'est ça. C'est pas facile aujourd'hui. Est-ce que justement, ça a été facile de refaire la version 2 avec le Covid? Alors, par rapport aux autorisations, c'était un peu plus contraignant. Mais après, quand on est habitué à organiser, on connaît les règles, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, nous, de toute façon, on sera irréprochable. Voilà. Donc, le masque est obligatoire, mais c'est un peu peu comme partout. Pensez à votre masque, vous en vendez sur place au cas où quelqu'un remet le masque. Alors, aujourd'hui c'est pas prévu parce que comme on doit avoir le masque partout, donc les gens ont souvent, enfin c'est systématiquement un masque. Ouais, en général tout le monde en a la bagnole un ou deux, j'espère. Ça, en tout cas, pensez au masque. On vous donne la date, on vous la rappelle. Si ce week-end-là vous ne faites rien, et bien le 26 et 27, le deuxième trophy SSV de l'Orléanais, c'est à Sougy, pas loin de Saran. Voilà. C'est bien ça, voilà. Mais même si vous faites quelque chose, vous pouvez passer. Hein. Ouais, passe en bagnole, on peut se garer facilement. Ouais, parce bien sûr, le parking est gigantesque. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de la course toute la journée. Donc même si vous passez, ah ouais, vous passez une heure. Vous pouvez. Ouais, c'est-à-dire, on n'a pas un rencard à telle heure, on peut se dire, tiens, je vais y aller à telle heure, il y aura de la course. Le samedi, donc le matin, c'est les vérifications techniques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, on va vérifier que tout est aux normes dans les véhicules. Et à partir du midi, bah là, les pilotes vont commencer à se battre sur la piste. Ça y est, ça va commencer à chauffer un peu. C'est ça. Et le dimanche, on continue à se battre jusqu'à la super finale. Dormez sur place. Bien sûr. Ah, c'est bien ça. Bien sûr. Bah, de toute façon, les véhicules restent sur place. Tout le monde, beaucoup de gens dorment sur place. Ouais. Les enfants, ils vont être gâtés là. Les enfants qui aiment bien les bagnoles de course là. C'est ça. Ah. Même vous pouvez parler avec les pilotes, les mécanos. C'est très très convivial. Ça va être sympatoche. Eh bien, merci Valder. Rendez-vous le 26 et 27 septembre à Sougy alors. Exactement, j'espère que tu viendras. Bah, si je peux, on va y aller avec Antoine. On le disait tout à l'heure là. Je compte sur vous. Hein. Avec les enfants, on va venir avec tout le monde. Une grande famille nous, maintenant. On te fera un appel au micro si t'es là. Ouais, si tu veux, ouais. Je vais venir avec les gamins, on va les balancer dans une bagnole. Merci Elder. Le 26 et 27 beaucoup. À Sougy, n'oubliez pas ce rencard, le deuxième trophy SSV de l'Orléanais. Un bon moment et c'est gratos. Donc voilà, venez nombreux et nombreuses sur découvrir justement le SSV. Voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, les novices. C'est ça. Et même ceux qui connaissent, venez. Ouais, venez, tout le monde peut venir. C'est open. Open. C'est merci Elder. Merci. Ce soir, j'ai le cœur dévalisé. Je suis naufragé. J'ai perdu ma route, je parviens même pas à réaliser. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand tout fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On ne comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, déjà rouillé, j'ai perdu ma chance. J'arrive plus vraiment à me débrouiller. J'ai dérouillé, j'ai perdu ma chance. Il me reste un espoir dans tes yeux. Mon espoir à moi est bien trop vieux. Peut-être on finit par tout éprouver. J'ai pas trouvé, j'ai perdu ma chance. Dis-moi. C'était fait que pour chanter. Et puis t'as pris ma main et tu m'as réparé. Je ne croyais plus vraiment en l'amour. Et puis un jour j'ai croisé ta route. Dis-moi. bientôt 18h30. On va retrouver le Portugal avec RDP International. Moi, je retrouve demain 17h-19h avec plein d'invités. Demain, on aura l'Observateur UFC Nantes. Eh ouais, Martial. Eh, ça, c'est du très très lourd. Et puis, Sonia aussi, la vice-présidente du Génie, qui sera là dans les studios en direct à la radio demain. N'en ratez pas. De très très beaux invités encore. Et direction. Eh, ce qui est bien avec Arc-en-Ciel, c'est qu'on peut voyager. Direction le Portugal. La goal. Salut la famille des Zinzins et rendez-vous demain 17h-19h et je vous laisse avec RDP International. A passagem pelo Campurano e o IC19 de Lisboa para Sintra também com trânsito lento entre Alfragide e o Palácio Nacional de Queluz. Na zona de Sintra, a Estrada Nacional 9 tem o trânsito bastante demorado nos dois sentidos entre Sintra e a saída para a zona industrial de Perpinheiro. Na região do Grande Porto, a 28 com o trânsito lento nos dois sentidos entre a Via de Cintura Interna e o nó com A4, também se anda devagar na Estrada Nacional 14, nas zonas de Castelo da Maia, Espinhosa e Trofa, e na Via Norte, no sítio de Porto Maia, à chegada à cidade da Maia. Mais a norte...